T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Monster. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU for Charlie. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, ça commence maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah oui, Planète Indie, ça commence maintenant. Nous sommes le samedi 3 février 2018. Il faut s'habituer à dire 2018. Ça commence tout doucement à rentrer dans les oreilles. Épisode numéro 393 de Planète Indie. Bah oui, ça avance. On se rapproche tout doucement de la 400e. Bah oui, ça fait déjà un bail hein, qu'on est là. 20 ans, puisqu'on on a fêté les 20 ans de Planète Indie il y a quelques mois de cela. Et on est de nouveau là, donc en 2018, toujours fidèle au poste avec pour vous le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Au programme de ces 90 minutes qui s'annoncent devant nous, eh bien on écoutera Zerin, on écoutera Scratch, on écoutera un extrait de nouvel album du groupe Ivory Tower Project. Et puis on aura bien entendu notre powerplay, bah, je peux déjà vous l'annoncer puisque je vous l'avais dit le mois dernier, ce sera l'album de Daisy Chapman, un album qui s'intitule Good Luck Songs. On en écoutera trois extraits ce soir. Et puis on commence tout de suite par une autre nouveauté, il s'appelle les Ground Level Falcons. Ils nous interprètent un morceau Until I Post It. Ça c'est pour commencer et puis après eh bien, on écoutera un groupe qui commence à être un habitué de cette émission, c'est Fire It Serious avec le morceau Sissic. Bon début de soirée, restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30, comme chaque mois. Yeah. to a jackknife to pierce the ocean skin. And I know you lost your vessel, it's the same damn current that you're now swimming in. Hi, my name's Derek from Social Science, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Matt from the band Yuka, and you are listening to Planet Indie. Thank you. l'instant dans nos oreilles, le groupe Scratch avec Soak, qui faisait une transition tout à fait logique après le morceau de Fire is Cyrus Seasick, puisqu'après avoir eu le mal de mer, eh bien c'est normal qu'on soit trempé, puisque Soak veut dire trempé en anglais. Et entre les deux, on a écouté A Very Loud Death, ça peut être aussi une conséquence du mal de mer, c'est-à-dire de souffrir d'une mort terrible. A Very Loud Death avec Gluttony. D'ici quelques minutes, eh bien nous partirons à la découverte de notre album Powerplay. Avant cela, on écoute encore Zerin avec Mercury. Like Mercury in a jam jar, in a cupboard of your room, forgotten all too soon, and melting through. Catch my shiver. Stand up with a hand out to steer me far from your fear. Oh, dignity not lost, but what is the cost? Bleeding heart. Elle s'appelle Zerin et nous interprétait le morceau Mercury. 17h24 minutes, pratiquement 25 minutes, il est temps de partir à la découverte de notre album Powerplay. Et bien celui de ce soir, c'est l'album Good Luck Songs de Daisy Chapman. Daisy Chapman est une pianiste anglaise originaire de la région de Bristol. Depuis son premier album solo en 2006, eh bien, Daisy a démontré qu'elle était une compositrice maligne et talentueuse. Trois albums ont été enregistrés par le célèbre producteur Ali Chant au studio Toy Box, studio notamment utilisé par PJ Harvey, Giant Sand ou C6 Steve, et notamment son dernier album, donc Good Luck Songs, qu'on découvre aujourd'hui, un album enregistré en 2017. La voix puissante de Daisy a été utilisée notamment par John Parrish et ses semblables pour comme musique de film dans ses films, ainsi que pour plusieurs sessions d'émissions télévision. Son style de jouer, sa manière de jouer du piano a été remarqué notamment par les rockers du groupe anglais Crippled Black Phoenix. C'est ainsi qu'en 2009, eh bien, elle a fait une tournée avec ce groupe pour une tournée en Angleterre et en Europe, ainsi qu'en Chine, avec le groupe. Donc, et elle a même interprété, elle était donc en tournée avec eux en tant que pianiste et que vocaliste, elle faisait partie des chœurs, et elle a même interprété en tant que chanteuse principale le morceau « Let me put my love into you », une reprise du groupe AC/DC que le groupe, donc, je vous rappelle leur nom, hein, Crippled Black Phoenix, reprenait sur scène. Que dire, vous dire d'autre pour cette première, ce début de présentation. Elle a aussi tourné avec d'autres artistes comme Hope Gelb, Karima Francis ou encore Jen Bostick. Et puis elle a aussi fait plusieurs tournées en son nom propre, notamment aux États-Unis, en Pologne, et puis des tours organisés par son label, notamment en Allemagne, deux fois par an depuis 2009. Je vais vous dire aussi que son album The Green Eyed, sorti en 2009, a gagné un Independent Music Award qui lui a permis, eh bien, de participer à des festivals très célèbres en Angleterre comme le Glastonbury, le 2000 Trees ou encore Witchwood. Allez, assez parlé, on continuera la présentation de Daisy Chapman un peu plus tard. Pour l'heure, on va découvrir un morceau que vous connaissez si vous nous écoutez, puisque c'est un morceau que j'ai passé assez régulièrement ces derniers mois. On l'aime bien, on l'aime beaucoup. Il s'appelle Home Fires. C'est extrait de l'album, donc je vous le redis encore une fois. Good Luck Songs de Daisy Chapman, et c'est notre Power Play aujourd'hui dans Planète Indie. Power Play. Power Play. Three noses pressed against the window. Three faces pushed against the glass. New socks pulled right up to my knees. Anticipation never lasts. Faster, Daddy, faster. Let the cold air burn my cheeks. Whipping ponytail behind me. Oh, this sledge ain't built for three. Oh, you can't change the seasons. Stoke the fire. Glow. Mother's grieving for the summer. Children yearning for the snow. Gather wood and build a bonfire. Let's see how high it can go. Taller, taller, Daddy, taller. Hope no hedgehogs make their homes below. Come in, the night is closing. generation. Keep the home fires burning free. Will I carry on tradition? Or will memories die with me? Oh, you can't change the seasons. Stoke the fire and let it glow. Mothers grieving for the summer. Children yearning for the snow. Mauvaise manip, on va recommencer. On devait écouter, la transition était bonne, hein, elle était bonne, mais appuyer sur le mauvais bouton, voilà ce qui se passe. Donc on écoutait Dizzy Chapman, Home Fire, cet extrait de notre powerplay aujourd'hui, donc son album Good Luck Songs. Et puis la transition devait se faire avec le groupe Whiter World, Haunted by Me. Et voilà, malencontreusement, une mauvaise manipulation avec le lecteur CD, et c'est ce qui arrive. Donc c'est pas grave, on les relance. Whiter World, Haunted by Me. Je vous rappelle que vous écoutez Planet Indie, nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Are you there, Lord? It's me. I got something to ask you. It's not about the car or the broken guitar this time. If your soul for me, then why am I this way? Oh Lord, I think I answered my own question. Are you there, Mom? It's me. I know it's been far too long. Tell me all the stories and the tired allegories from my hometown. It used to be so nice, but now it's as cold as ice. I can't help thinking that I've worn my welcome down. It's all in your head. People like to tell me. Being positive is sin. Easier said than done. It's time to let go of the demons in the closet. 'Cause the needs of the many outweigh the one. Are you there, kid? It's me. I know just what you're thinking. If there only was a way to make the pain go away from your heart. With darkness comes fear, and it only gets worse from here. Young malaise is a somber way to start. It's all in your head. People like to tell me. Think positive instead. Easier said than done. It's time to let go of the demons in the closet. 'Cause the needs of the many outweigh the why I'm not the apple of your eye. perfect we could really be. Accepting that I'm quite insane, I barely can recall your name, or what it is that people do when they find a love that's true. Excuse me if I seem unwell, especially when you're not around to see me cry, to see me cry. Are you there? Driving on the streets tonight, it's hot, I got the windows down. I wish I could call you, I wish you were still around. Nothing much left in the tank, somehow this thing still drives. You forgot what it needed, but somehow it still survives. And all the walls we build rise and fall. Hey, you're my wrecking ball, won't you come and maybe knock me down? Hey, you're my wrecking ball, won't you come and maybe knock me down? Hey, you're my wrecking ball, won't you come and maybe knock me down? Come and maybe knock me down. Lying in my bed at night, feeling like somebody else. The thoughts inside my head get lost inside this haunted house. Everyone I used to know left their dreams by the door. I accidentally kicked them, that's how I know you're still not sure. And all the walls we build rise and fall. Hey, you're my wrecking ball, won't you come and maybe knock me down? Hey, you're my wrecking ball, won't you come and maybe knock me down? Hey, you're my wrecking ball, won't you come and maybe knock me down? Come and maybe knock me down. Woo-hoo. Si vous dites que ça vous fait penser à un Foreigner ou à un groupe style côte ouest des États-Unis des années 80, eh bien je vous dirais que vous avez tout à fait raison, puisque ça y ressemble très très fort. C'était un extrait du nouvel album de Ivory Tower Project. Le morceau s'intitule Please Tell Me. D'ici quelques minutes, eh bien retour sur notre album Powerplay, l'album de Daisy Chapman. C'est celui qu'on met à l'honneur aujourd'hui. On en écoute donc trois extraits, comme chaque mois. Hein. Et avant cela, eh bien, on va encore écouter une autre nouveauté. Il s'appelle Valerio Montelatici. Et il nous interprète son inspiration, My Inspiration. We'll be right back. s'appelle Valerio Montelatici, on écoutait My Inspiration. On va se calmer un peu avec le morceau suivant, puisqu'on va retourner sur l'album Powerplay de ce soir, l'album Good Luck Songs de Daisy Chapman, un album orienté piano, puisque Daisy, on l'a dit tout à l'heure, est une virtuose du piano. Elle a d'ailleurs pris ses premières leçons à l'âge de 6 ans, comme beaucoup d'autres enfants. Elle était un petit peu forcée par ses parents qui voulaient qu'elle joue de la musique, mais il lui est vite apparu eh bien, que les gammes et les arpeggios n'étaient pas très excitants, voire passionnants. Donc, comme elle devait continuer à jouer du piano, eh bien, elle a décidé de s'exercer autrement plutôt que de faire des gammes. Eh bien, elle a commencé par répéter à l'oreille et à essayer de reproduire la chanson de Bruce Hornsby, The Way It Is. Et puis alors, quand elle a commencé à maîtriser le sujet, elle s'est bien sûr rendue compte eh bien, qu'une fois qu'elle avait compris le truc avec le piano, comment ça fonctionnait, eh bien, tout était possible. Et puis après avoir répété ce morceau de Bruce Hornsby, elle a enregistré des cassettes et des mix où elle rejouait des chansons populaires des années 90, comme notamment le morceau Killer d'Adamski ou Back to Life de Soul to Soul. Et c'est comme ça qu'elle a développé son talent pour le piano. À l'époque, eh bien, elle jouait sur un Casio CZ1000. Bah oui, vous saurez vraiment tout. Elle a échangé désormais contre un Roland RD-170 qui l'accompagne depuis 2005. Voilà, comme quoi on a fait notre enquête dans les normes. Retour donc sur son album. Je vous ai mis la vidéo de la plage d'ouverture. Et on veut dire la plage titulaire de cet album. L'album s'appelle Good Luck Songs, avec un S, donc les chansons qui portent bonheur, on va dire. Et la vidéo que je vous ai mise sur la page Facebook de Planet Indie, c'est Good Luck Song. C'est la plage, la première plage de cet album. Nous, on va du côté de la plage numéro 6. Et le morceau s'intitule Idilia Dub. C'est Daisy Chapman, c'est notre powerplay ce soir dans Planet Indie. Powerplay. Powerplay. I've been waiting for so long. I've been crying for so long. 10 years I'll wait here since my ascent. Till then bird song, my only friend. Swifts on the parapet, bringing me no messages, as if the world's deserted, as if I have gone deaf. I signal to the boatmen, but they just wave back at me. A steady course to Rotterdam and me just certain death. Feels like I've been here all eternity. Father in heaven, have mercy. My mouth's dry, I'm tongue-tied, my hair's in disarray. Am I just sketchbook up this rotten wooden stairway? I will be your siren from Strasbourg to Koblenz, a ghostly voice on water bringing news of my distress. Bitter pains of hunger, delirium of thirst, the sins of a past life bringing more than I deserve. Oh, be heard my cry? Is it my darling mother or the rock of Lorelei? I think about my funeral. It's going to be so beautiful on the shores of Scotland, the place that I go home. Oh, I'm free. c'était excusez-moi, c'était Cat Hole, une nouveauté dans cette émission. On la retrouvera plus loin aussi puisque elle m'a envoyé pas mal de trucs. Cat Hole avec le morceau Blow by Blow. Après cela, eh bien, on va écouter Blue Eyed Soul Decay avec Life is a Symphony. Avant cela, je voudrais vous parler comme je vous le fais tous les ans puisque c'est à cette époque-ci que se réalise ou prend place le festival du film de la ville de Luxembourg qui s'appelle le Lux Film Festival désormais. Avant c'était Discovery Zone. Il se tiendra du 22 février au 4 mars et le comité organisateur est fier de pouvoir annoncer qu'en plus de la programmation jeune public comme ils font tous les ans, ils sont en mesure d'offrir une sélection cette année-ci de 56 films. Il y aura 10 longs métrages en compétition pour le Grand Prix et 6 documentaires qui concourront dans la catégorie évidemment documentaire. En plus de la compétition, 23 films seront présentés en sélection officielle hors compétition, dont notamment 8 collaborations et cartes blanches, 7 productions ou coproductions luxembourgeoises qui seront dans la section Made in ou Made with Luxembourg, dont les 2 premiers épisodes d'une série TV, c'est une première pour le festival. Et puis aussi, il y a 4 œuvres qui feront partie de la programmation hors les murs. Vous savez que le festival se tient en dehors aussi des cinémas. Donc c'est ce qu'ils appellent hors les murs. Ensuite, que vous dire de plus ? Il y a déjà certains moments qui sont prévus comme étant les points d'orgue, on va dire, de cette 8e édition. Il y aura notamment une masterclass par le réalisateur canadien et président du jury international Atom Egoyan. Vous pourrez aussi voir le nouveau film de Wes Anderson, Isle of Dogs, en clôture. Ça se déroulera, c'est la première au Luxembourg. C'est la première du film au Luxembourg. Le film Death of Stalin, c'est aussi un film à ne pas manquer. C'est apparemment assez amusant. C'est un film d'Armando Iannucci, un film censuré en Russie et qui fera suite à la cérémonie de remise de prix le 3 mars. Et vous aurez aussi l'occasion de voir le film luxembourgeois candidat aux Oscars, The Breadwinner, un film de Nora Tworny, lors de la séance d'ouverture. Le festival est aussi fier de pouvoir accueillir Gutland, un film de Govinda Van Mile avec notamment Vicky Krieps et Frédéric Lowe en compétition officielle, un film qui a déjà fait des vagues lors de son parcours festivalier international. On ira encore voir un peu plus en détail, si on a le temps, le reste des événements du festival. Je vous rappelle en tout cas qu'il se tient du 22 février au 4 mars 2018 à Luxembourg et pas que. Dans divers endroits de Luxembourg. Je vous conseille aussi d'acheter le pass qui vous permet d'assister aux séances. Et le pass, je crois qu'il coûte, si les prix n'ont pas changé, et il doit coûter quelque chose comme 25 euros si ça n'a pas changé donc par rapport à l'année dernière. Ça a augmenté, c'est 30 euros cette année. Voilà, on ira voir un peu plus en détail d'ici quelques minutes. Là, on poursuit en musique avec le morceau Blue Eyed, le groupe Blue Eyed Soul Decay, Life is a Symphony. Keep music on the wire. Just keep on singing and I'll do the bringing and we're running through the fire. You keep on saying that I should be playing in the heat of the evening. Bells are ringing and beats are swinging. Could be now, could be never. It's the sound of the night now. It's now or never. So let's stick together, honey, we could live forever. Even somehow just don't stop now. Oh-oh, life is a symphony. Oh-oh, that's where I wanna be. My mind's a question of chemistry. Oh-oh-oh, oh-oh-oh. You are the soundtrack to my sweet, pure, discarded world. Idiot looking down, what have we done? Shaking all off till we watch them come. Letting it out, that's the belt, living in sin. We're making no harm, but we play to win. Oh-oh, life is a symphony. Oh-oh, that's where I wanna be. My mind's a question of chemistry. Oh-oh. Discarded girl. We could make it fast, take it slow, blowing each fuse. Gonna be hunting high, hunting low, whatever we choose. I take you as you are, as long as you take me as I am. You're worth your weight in gold and a big wham bam. It's a symphony. Inside my head again, wondering, confused. I never can control my thoughts when I look at you. Is it normal or contrary? Seems to be quite ordinary. In a room with all these faces, I'm alone again. Connu ce groupe, ce chanteur à la voix, mais musicalement c'était pas évident parce que ce morceau était un peu différent de ce qu'ils font d'habitude, ou en tout cas de ce que nous on a l'habitude de vous proposer dans leur œuvre. Et bien il s'agit du groupe les Pink Dust avec le morceau Inside My Head. Retour si vous le voulez bien quelques secondes sur la programmation de la 8e édition du Luxembourg Film Festival. Que vous dire ? Eh bien, lors de la séance d'ouverture, vous aurez l'occasion de voir un sérieux candidat pour l'Oscar du meilleur film d'animation, The Breadwinner. Vous aurez aussi l'occasion de voir une livraison directe depuis la Berlinale, le très attendu L'île aux chiens de Wes Anderson. Ça, ce sera pour la séance de clôture. Le jubilatoire film La mort de Staline, on vous en avait parlé il y a quelques minutes. Ça, ce sera pour animer la traditionnelle soirée de remise des prix. Il y aura aussi le nouveau Gus Van Sant en séance hors compétition. Donc, comme vous le voyez, en 2018 aussi, le Luxembourg City Film Festival ne déroge pas à sa tradition désormais établie de présentation d'exclusivité. Pour rétablir sa sélection officielle, une sélection que le comité artistique a voulu exigeante, surprenante et ouverte d'esprit, ça c'est, moi je cite exactement ce que eux ils indiquaient, il fallait des jurys d'exception. Et les premiers noms qui sont déjà dévoilés sont à la hauteur de l'enjeu, à l'image des présidents que seront Atom et Goyan pour les films de fiction et Mimi Plocher pour le documentaire. Il y aura évidemment pas mal de récompenses en réalisation obtenues par le premier dans les plus grands festivals du monde et la notoriété du Festival international du film de Chicago, dont la seconde a la responsabilité artistique. La seconde, c'est évidemment Mimi Plocher. Ils seront accompagnés de membres émérites de la scène professionnelle. Donc, je vous rappelle que ça se tient du 22 février au 4 mars. Elle se tiendra à la Cinémathèque de la ville de Luxembourg, au Ciné Utopia, au Kinépolis Kirchberg, au quartier général qui se relocalise cette année au Casino Luxembourg après 2 années sous chapiteau à la place de la Constitution, ainsi qu'au Cercle Cité et dans de nombreuses institutions culturelles partenaires de la ville. Pour plus d'informations, vous allez voir sur le site internet où vous pourrez découvrir toutes les informations qui vous intéressent. www.luxfilmfest.lu. Voilà. Nous, on retourne à la musique avec Three Seasons and All For You avant de retourner une troisième et dernière fois ce soir sur notre album Powerplay de Desi Chapman. Is my story deciding this is all no guts, no glory. It's the end of guilty born warnings, waking up to feel redundantly sorry. This is an Ant avec All For You, 18h15, retour sur notre album Powerplay. On n'est pas encore en avance aujourd'hui non plus, mais on avait des gros dossiers aujourd'hui, on a une petite excuse. Daisy Chapman, donc on en était arrêté tout à l'heure, on avait parlé de ses jeunes années en disant qu'elle avait commencé à jouer du piano dès l'âge de 6 ans et puis qu'elle s'était exercée par elle-même. Pendant ses années d'université à Bristol, eh bien, elle a participé aussi. Elle a formé et participé à plusieurs groupes locaux et elle a expérimenté plusieurs styles musicaux. Elle jouait aussi pas mal des concerts déjà à cette époque. Et à la fin de ses études, eh bien, elle avait déjà écrit et enregistré son premier solo double album. Donc elle n'a pas traîné. Depuis lors, eh bien, elle a donc joué plus de 500 concerts en public. Y inclut les festivals comme j'en parlais tout à l'heure de Glastonbury ou 2000 Trees, ainsi qu'en Allemagne la Bréminal. Pour essayer de la comparer, c'est pas facile. On dit parfois eh bien, qu'elle va chercher, qu'elle n'a pas une influence musicale unique. On la compare parfois à Nick Cave pour sa façon d'écrire des histoires de manière un peu brutale, ou alors à Regina Spektor dans eh bien, sa façon de composer les mélodies. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que eh bien, Daisy Chapman, elle sait comment confectionner une chanson et arranger les instrumentations pour que l'auditeur eh bien, soit de toute façon pris dans son histoire. Tout ce à quoi on peut s'attendre, eh bien, c'est des belles musiques et des harmonies, en tout cas dans leur forme les plus pures. Daisy Chapman a l'habitude aussi eh bien, d'écrire ses chansons sur base de sa propre expérience et de sa propre histoire. Son site internet, c'est facile, c'est www.daisychapman.com. Je vous ai mis, je vous le rappelle, une vidéo sur la page Facebook de Planet Indie. Et nous, on va en écouter, bien entendu, un troisième extrait. Et ce dernier extrait s'intitule The Decalogue. Extrait donc de cet album Good Luck Songs de Daisy Chapman. Powerplay. Powerplay. Don't adulterize and do not steal. Don't tell tales and do not lie. Do not covet your neighbor's wife. Well, I've loved more than one deity, and I built a shrine to worship me. I've sworn a curse that slept through Sunday, whiskey fueled right through to Monday. Abused my parents' bond so strong, and I murdered someone else's song. I've stolen words at any price. I coveted my neighbor's life. My neighbor's life. To this bed I am not chained. Interest I have not feigned. Enemies I have not trained to keep my tourniquet unstained. To this bed I am not chained. Interest I have not feigned. Enemies I have not trained to keep my tourniquet unstained. Of your specter I'm afraid. Flashing blue lights on parade. We've agreed, agreed is not necessarily what we need. To this bed I am not chained. Innocence I have not feigned. Rising up you will be named. As of my sins I'm not ashamed. Quand on aime le riz. salaud, l'estomac se tend. Devant tous ces témoins, je ne laisse rien passer. L'amour peut s'en aller, pas ma dignité. J'ai plus rien à perdre dans ma sauvagerie. J'ai plus de regrets, c'est là mon équilibre. Je n'ai plus de regrets, c'est la mort assurée. Je n'ai plus rien à perdre quand on aime le risque. J'ai plus rien à perdre dans ma sauvagerie. J'ai plus de regrets, c'est là mon équilibre. Je n'ai plus de regrets, c'est la mort assurée. Je n'ai plus rien à perdre quand on aime le risque. C'est aussi un musicien, il s'appelle John Alexander. On l'écoutait avec Fearless. On doit un peu couper le morceau parce qu'il est assez long, il fait plus de 5 minutes. Et on n'a plus beaucoup de temps. On va se quitter avec un dernier morceau qui est extrait du nouvel album de nos amis du Sud-Ouest, le groupe de Christian Salès, Hoc. On va écouter le morceau Caminar. Et avant cela, on passe en revue en vitesse la programmation de la Rockale. Demain, vous pourrez voir Carmina Burana, le 8 février de Bootleg Beatles, le 9 Jeremy Ferrari, le 9 aussi les Belges de Girls in Hawaii. Ensuite, le 25 du 2, il y a deux séances à 16h et à 20h pour Sois Belge et Tais-toi. 28 février, ça se passe au Ciné Utopia dans le cadre, eh bien, on vient d'en parler, du Luxembourg Film Festival. C'est Luxembourg Video Clip Night. Ça se passe au Ciné Utopia et l'entrée est gratuite. Et ce même jour, au Mudam Café, le Up to 11X Rock Lab. Ensuite, le 2 mars, eh bien, ce sera Vianney. Et puis le 3 mars, ce sera l'épisode numéro 394 de Planète Indie. En tout cas, j'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Le podcast sera disponible sur notre site internet ainsi que sur Facebook si vous avez raté l'émission. Elle sera rediffusée aussi demain entre 17h et 18h30, donc sur cette même fréquence. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Je vous retrouve donc le 3 mars. D'ici là, portez-vous bien et on se quitte donc avec Hoc et le morceau Caminar. Bonne soirée, à bientôt. Camina dentro un cor e dentro un armo. Camina via le mano. Camina dentro un cor e dentro un armo. Camina dentro Din tu l'amor, come in love.